إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On est arrivé au sixième hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui est le suivant. عن رجل صحب رسول صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. On rapporte d'un homme qui avait accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم dire que l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit à la femme de se laver du reste de l'eau utilisée par l'homme et à l'homme de se laver du reste de l'eau utilisée par la femme que chacun d'eux puise de l'eau. Hadith akhrajahu Abu Daoud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, Nasa'i et son isnad, sa chaîne de rapporteurs est sahih, est authentique. C'est ce qu'a dit Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur de ce livre, il a dit ça. Et ce hadith, il est rapporté par d'autres. On a trouvé qu'il est rapporté par d'autres, à savoir l'imam Tahawi, dans Sharh Ma'ani al-Athar, dans son livre Sharh Ma'ani al-Athar, et l'imam Ahmed dans son Musnad, l'imam Tayalisi dans son Musnad, et l'imam al-Bayhaqi. Donc en tout, 6 imams qui ont rapporté ce hadith. L'auteur, comme j'ai dit, a dit la chaîne des rapporteurs est authentique. Sauf il y a le Bayhaqi, quant à lui, il a dit qu'il y a une défection dans ce hadith. C'est que l'homme qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le connaît pas, anonyme, on ne le connaît pas. Et donc il a dit ça c'est une défection et il a jugé que le hadith est da'if à cause de ça. Mais cet anonymat, cette absence du nom de ce compagnon n'affaiblit pas le hadith. Il ne l'affaiblit pas. Pourquoi? Parce que les gens de Ahl Sunnah ou Jama'a disent que tous les compagnons du prophète sont dignes de confiance. Donc peu importe si on connaît le nom, on ne le connaît pas. De toute façon, le hadith est le sahih. Même si on ne connaît pas, on ne connaît pas le nom de ce compagnon-là. Puisque le rapporteur, le tabi'i, et qui dit tabi'i, celui qui vit, qui a vécu l'époque des compagnons, n'a pas vécu l'époque n'a pas vécu avec le prophète, n'a pas vu le prophète, il dit, qu'il s'appelle déjà Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari, il dit, Ar-Rajulin sahiba Rasulullah, on rapporte d'un homme, il dit, d'un homme, selon un homme qui avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, puisqu'il a accompagné, donc sa parole est prise en considération, il est crédible. Et ce qui renforce ça, ce qui le renforce, c'est que le rapporteur, Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari, il dit, un homme qui avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme durant 4 ans, comme l'a accompagné Abu Huraira. رضي الله عنه إلى دعا الرجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة comme l'avait accompagné Abu Huraira. Donc cette personne n'a pas seulement vu le prophète صلى الله عليه وسلم ni l'a rencontré une rencontre passagère, mais il l'a accompagné 4 ans. Donc sans doute il a dû rapporter plus que ce hadith, d'autres hadiths, d'accord, puisque 4 ans, sans doute il a dû rapporter d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et ce hadith là en plus, pour renforcer encore l'authenticité, il a ce qu'on appelle un shahid, et on a parlé du shahid, c'est un hadith témoin. Quand on a un hadith rapporté par un compagnon, et puis on a trouvé un autre texte qui a le même sens et qui est rapporté par un autre compagnon, on dit que ce hadith là il est témoin, il approuve, il le renforce, d'accord. Et donc on a trouvé un hadith témoin qui augmente l'authenticité de ce hadith, c'est selon Abdullah ibn Sarjas radiyallahu anhu, c'est un compagnon. Là on connaît le compagnon, il y a un autre hadith où on connaît vraiment le compagnon qui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an yaghtasil ar-rajul bi fadl al-mar'a wa an taghtasil al-mar'atu bi fadl ar-rajul wal yashra'a minha jami'an wal yashra'a bal yashra'ani jami'an. Qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à l'homme de se laver du reste de l'eau utilisée par une femme, par la femme, et à la femme de se laver de l'eau qui reste de ce qui reste de l'eau qu'a utilisé l'homme. D'accord. Bal yashra'ani jami'an, ça veut dire que chacun d'eux il prend l'eau du récipient. D'accord. Tous les deux en même temps. D'accord. C'est pas que l'homme il se lave, il utilise cette eau, et après la femme il utilise après lui, c'est la femme il utilise l'eau. D'accord. Mais s'il utilise en même temps, lui il prend de cette eau et la femme elle prend de cette eau, il est autorisé. Donc ça c'est un hadith témoin selon Abdullah ibn Sarjis. On connaît là le compagnon. C'est un hadith qui est rapporté par Dharqutni, par le Bayhaqi, par l'imam Tahawi. Leçon maintenant. On déduit de ce hadith le sens explicite, le sens apparent. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an taghtasil al-mar'atu bi fadl ar-rajul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de se laver du reste de l'eau utilisée par l'homme. Qu'est-ce qu'on déduit? L'interdiction. Il a interdit. Non, maintenant l'eau qui a été déjà utilisée par l'homme. D'accord. Interdiction. Le hukm, le statut juridique, c'est l'interdiction. Ça c'est le sens explicite. Mais suivez bien. L'imam al-Nawawi, il a dit qu'il y a ijma', unanimité des savants, qu'il est autorisé à la femme de se laver du reste de l'eau utilisée par l'homme. Un ijma' qui contredit le texte, hein? On va éclaircir, d'accord. L'imam Nawawi, il dit qu'il y a unanimité entre les savants qu'il est autorisé à la femme d'utiliser l'eau qui a été déjà utilisée par l'homme. D'accord. Ce ijma', il est à vérifier. Pourquoi? Parce que l'imam al-Tahawi, dans son livre Sharh Ma'ani al-Athar, explication des sens des athar, des textes, que certains savants ont jugé que c'est détestable. Certains savants ont jugé que c'est déconseillé. Ce n'est pas haram, contrairement à ce qu'on voit, à ce qu'on déduit du sens apparent du hadith du prophète sallam, n'a interdit. Et il y a certains qui ont dit, la majorité qui ont dit qu'il est autorisé à la femme d'utiliser cette eau, et que l'imam Tahawi l'a dit, il a rapporté que certains savants on dit que c'est makruh. Ce n'est même pas illicite, interdit, mais c'est juste makruh, déconseillé. D'accord. Donc la majorité, ils disent que c'est autorisé. Mais si on réunit ce qu'a dit l'imam Tahawi, ce qu'a dit l'imam Nawawi, on peut dire qu'il y a unanimité que ce n'est pas interdit. D'accord. Certains savants, ils disent qu'il est autorisé à la femme d'utiliser l'eau qui a été utilisée par l'homme. Et l'imam Tahawi, il rapporte, il a dit, j'ai entendu certains savants dire que c'est juste déconseillé. Conclusion, unanimité, que ce n'est pas interdit. D'accord. Ah. Par la suite, on va détailler. Bon, ça c'est la première partie du hadith. Ça veut dire qu'il est autorisé à la femme d'utiliser l'eau qui a été utilisée par l'homme. Maintenant, et il a interdit à l'homme de se laver du reste de l'eau utilisée par la femme. La deuxième partie du hadith, il y a deux avis des savants. Le premier, c'est qu'il est haram, il est illicite. C'est l'avis de bon nombre de compagnons, parmi lesquels Abdullah ibn Sarjas, lui-même qui rapporte le hadith, rapporté par Dara Qutni ou Al-Bayhaqi ou l'imam Tahawi, lui-même qui rapporte que le prophète a interdit à la femme d'utiliser l'eau qui a été utilisée par l'homme. Donc, il y a ce compagnon-là qui dit qu'il est interdit, illicite. Il y a Al-Hakam ibn Amr Al-Ghifari, et on va donner son hadith. Il y a Jouairia, la fille bint Al-Harith. Vous vous rappelez de Jouairia, la bataille de Bani Mustalaq? Vous avez révisé la sira du prophète sallam. Jouairia, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn al-Khattab, ils disent qu'il est illicite. L'imam Ahmed, il dit, l'interdiction, cette interdiction a été confirmée par d'autres compagnons. Par d'autres compagnons, dans le cas où la femme s'isole avec cette eau. Où elle prend le récipient, elle s'isole avec cette eau et il l'utilise. Donc ça, ce qu'a dit l'imam Ahmed. Et c'est aussi l'avis de l'école Zahiret. C'est une école autre que les quatre écoles. D'accord ? École qui a été bâtie par l'imam Daoud al-Zahir, rahimahullah, et celui qui a vraiment fait répandre la jurisprudence Zahiret, surtout en Espagne, en Andalus, c'était Ibn Hazm, rahimahullah. Donc l'école Zahiret. Ishaq ibn Rahawai, Ahmed, l'imam Ahmed, et parmi les tabi'in, il y a Al-Hassan al-Basri, il y a Saïd ibn al-Musayyib. Tout cela, ils disent qu'il est interdit à la femme d'utiliser l'eau qu'a utilisé l'homme. Quels sont les arguments de cette école-là? Quels sont leurs arguments? Le premier argument, clair, hadith. Le hadith, clair, le prophète sallam a interdit à la femme d'utiliser. Deuxième argument, le deuxième hadith de Abdullah ibn Sarjas qu'on a évoqué. Le troisième hadith, c'est le hadith de l'Hakam ibn Amr al-Ghifari, compagnon du prophète, qui disait que l'envoyé d'Allah a interdit à l'homme de faire les ablutions du reste de l'eau utilisée par la femme. C'est un hadith rapporté par les cinq, et qui dit les cinq, c'est Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmed. Voilà, c'est un hadith rapporté par les cinq. Et l'imam Tirmidhi, il a dit Hassanahu Tirmidhi, c'est avec un isnad assez bon. Wa sahahahu Ibn Majah wa Ibn Hibban. Ibn Hibban, Ibn Majah l'ont qualifié d'authentique. Wa da'afahu l'imam al-Bukhari wa al-Nawawi. Al-Bukhari et al-Nawawi ont dit que c'est un hadith faible, que c'est un hadith da'if. Ça, c'est l'avis de cette école, de ce groupe de savants. Il est interdit et ils ont donné les arguments, les trois preuves qu'on a évoquées. Maintenant, le deuxième avis. La majorité des savants, Hanafites, Malikiya, Shafi'iya, une version de l'imam Ahmed et certains compagnons aussi, parmi lesquels Ibn Abbas, Maimouna bint al-Harith radiyallahu anhum et d'autres compagnons, ils ont dit que ce n'est pas illicite, qu'il est autorisé à l'homme de se laver, de faire les ablutions avec l'eau qui a été utilisée par la femme. Leurs arguments maintenant. Imam Muslim et l'imam Ahmed, ils rapportent qu'Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait du reste de l'eau utilisée par Maimouna radiyallahu anha. Kana yaghtasilu bi fadli Maimouna. Et hadith rapporté par Muslim Imam Ahmed, hadith sahih. Ça, c'est le premier argument. Qu'il est autorisé de se laver du reste à l'homme de se laver de l'eau qui a été utilisée par lui. Le deuxième argument, c'est que Maimouna elle-même, radiyallahu anha, elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions du reste de l'eau qu'il a utilisé pour les grandes ablutions, pour les janabas. Il a utilisé cette eau, elle s'est lavée, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah. Ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, c'est le hadith que vous avez dans le livre. c'est que Ibn Abbas, il avait dit que l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était lavée avec une jatte ou un récipient d'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu utiliser le reste. Il est venu pour faire les ablutions ou venu utiliser le reste de cette eau. Puis la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais en état de janaba. Il a averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: j'étais en état de janaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: l'eau n'est pas souillée. Inna al-ma'a la yajnub. Inna al-ma'a la yajnub. Hadith rapporté par les cinq: Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmad. Rapporté par l'imam Ahmad, par l'imam Al-Hakim et l'imam Tirmidhi. Ibn Khuzayma l'ont qualifié d'authentique. C'est un hadith authentique. D'accord. Donc ça, c'est les preuves comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cette eau-là. Quatrième argument, c'est qu'il y a des hadiths où est autorisé que l'homme et la femme se lavent ou font les ablutions ensemble à partir d'un même récipient. Ça, c'est un argument comme quoi il est autorisé à la femme d'utiliser l'eau qui a été utilisée par une femme et vice versa, d'accord, puisqu'ils tous les deux ils peuvent se laver ensemble et prendre l'eau d'un même récipient, d'accord. Il y a des hadiths, on va les évoquer ces hadiths là après, comme quoi l'homme et la femme peuvent se laver ensemble et faire les ablutions ensemble en même temps prendre l'eau à partir d'un seul récipient. Maintenant, comment les savants qui ont adopté cet avis là répondent aux arguments de ceux du premier avis? Cet avis-là, il est le plus vraisemblable. Il est rajih. C'est cet avis que prennent les derniers savants, Cheikh Al-Uthaymeen et les autres grands savants. Ils prennent en considération qu'il est autorisé. Maintenant, comment ils répondent? Comment ils réunissent les textes? Ils disent que l'interdiction ne s'applique pas sur l'eau utilisée qui reste dans le récipient. D'accord, que la femme, s'il utilise cette eau, l'interdiction, elle ne s'adresse pas à l'eau qui est dans le récipient, mais elle s'adresse à l'eau qui coule du corps de la femme ou de l'homme. C'est cette eau qu'a interdit le professeur Asselin. C'est de cette eau que dit le professeur Asselin qu'il est interdit de l'utiliser. D'accord, mais l'eau qui reste du récipient, c'est autorisé. Pour réunir, et ça, c'est cette réunion, ce raisonnement, il a été utilisé par l'imam Al-Khattabi rahimahullah. L'argumentation de l'imam Al-Khattabi, il dit l'interdiction elle ne se rapporte pas à l'eau qui reste dans le récipient, mais à l'eau qui coule du corps de l'homme ou de la femme. Ça, c'est une argumentation. Deuxième chose, comment ils répondent, c'est qu'ils disent que l'interdiction n'est pas absolue. Laysa tahrim mutlaq n'est pas absolu. C'est juste un acte makro, reprochable, car les autres hadiths montrent qu'il est autorisé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et en même temps il a fait le contraire. Il a interdit à l'homme d'utiliser l'eau qui a été utilisée par la femme, et lui-même il a fait les ablutions avec l'eau de Maïmouna, et il y a d'autres hadiths aussi qui le confirment. Donc ça fait baisser l'interdiction, le statut juridique de l'interdiction au reprochable. Ça veut dire qu'il n'est pas haram, qu'il n'est pas interdit, mais c'est juste makruh. D'accord? C'est juste makruh. Des fois, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit des choses et il fait exprès la chose pour montrer à sa communauté, parce qu'il est de toute miséricorde pour sa communauté, il veut alléger. Il ne veut pas alourdir. Il dit yanha, il interdit et puis il fait le contraire. Ce qu'il a interdit, il le fait pour montrer pour alléger le hukm, pour alléger la loi pour sa communauté, et pour qu'il ne s'efforce pas, pour que sa communauté ne s'efforce pas, parce que beaucoup d'interdictions, c'est lourd pour la communauté. Pour montrer que ce n'est pas interdit, mais c'est juste makruh de faire la chose. Donc ça, c'est l'avis de la foule des savants, le jumhur, le ulama. Et c'est l'avis le plus vraisemblable, et c'est l'avis que nous, les communs des gens, on prend des savants contemporains, à savoir Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Donc c'est pas interdit, c'est reprochable. Maintenant la troisième partie du hadith. La troisième partie du hadith. Donc la première partie, que l'homme utilise, que la femme utilise l'eau qui a été utilisée par l'homme, ça il est autorisé. L'imam Nawawi il a dit, il a presque unanimité des savants, que l'homme utilise l'eau qui a été utilisée par la femme, ça ce n'est pas interdit de toute façon. Et si et dans le cas extrême, c'est reprochable, c'est makruh. D'accord. Maintenant la troisième partie du hadith, wal yaghtarifa jami'an, et que tous les deux prennent de cet eau. L'homme et la femme prennent de cet eau. Donc à partir de cette partie du hadith, on déduit qu'il est autorisé à l'homme et à la femme de se laver ensemble en puisant l'eau à partir d'un même récipient. Les arguments, on les a. Le hadith de la personne qui a accompagné le prophète sallam, le premier hadith, le deuxième hadith de Abdullah ibn Sarjis, et le troisième hadith, c'est celui qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Omar. L'imam Bukhari le rapporte qu'Ibn Omar disait: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. Les hommes et les femmes faisaient les ablutions ensemble à l'époque de l'envoyé d'Allah. À l'époque, faisaient les ablutions en même temps à partir d'un seul récipient à l'époque de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم. D'accord. Mais il ne faut pas comprendre, il ne faut pas mal comprendre ce hadith parce qu'il a été mal exploité par certaines personnes et certaines gens qui malades du cœur, ils peuvent interpréter ce hadith à leur guise. Ils peuvent dire que les hommes et les femmes ils faisaient les ablutions ensemble et il va autoriser la mixité, il va dire voilà un délit, et en plus il est dans le Bukhari qu'il est autorisé qu'ils se mélangent, et puisque c'est autorisé qu'ils se mélangent dans qu'ils font les ablutions ensemble, ben, il est autorisé qu'ils font la prière ensemble, et des mosquées mixtes. Donc, ce hadith-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce hadith-là veut dire que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'a voulu dire Ibn Omar? Qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mari faisait les ablutions avec sa femme ou avec ses enfants, ou le père avec sa fille, ou les maharim entre eux, la famille, ils peuvent faire les ablutions ensemble à partir d'un seul récipient. C'était courant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc ça c'est l'explication de ce hadith. Sinon la femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que son rôle c'est chez elle, elle éduque les enfants, il instruit les futurs mujahidines et les futurs savants. C'est ça le vrai rôle de la femme. Et on a étudié dans la sira et tout, les femmes ne se mélangent pas avec les hommes dans la société dans la société musulmane, dans la meilleure société, celle de Médine. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient à part, les hommes étaient à part, il n'y avait pas de mélange. Et même dans Talab al-Ilm, il y a le hadith qui est dans le Bukhari, quand selon Abi Sa'id al-Khudri, que les femmes, ils se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ghalabana alayka ar-rijal, les hommes nous ont prévalu, nous ont dominé, c'est eux qui prennent le savoir de toi et nous on ne prend rien, et il faut nous consacrer un jour pour nous apprendre la science. Et il a réservé un jour spécial pour les femmes. Et il a réservé un jour spécial. C'est dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'une femme qui perd trois enfants, dont trois enfants sont morts, et ils vont être comme un hijab entre elle et l'enfer. Ça veut dire qu'ils vont la protéger contre l'enfer si elle patiente, bien sûr, entre parenthèses. Et une des femmes, il a dit, et deux ont envoyé d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et deux. Si une femme perd deux enfants, ils vont former le voile entre elle et l'enfer, ils vont la protéger. Donc ils étaient isolés. Donc ça c'est une preuve comme quoi les hommes et les femmes faisaient les ablutions ensemble, le mari et sa femme, et où le mari, ou le père et sa fille, ou la, etc. C'est autorisé. Et une autre preuve, c'est le hadith d'Umm Salama qui rapporte, il dit كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَ. Ça concerne le mari et sa femme. Umm Salama, il dit, l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم et moi faisions les grandes ablutions ensemble, en puisant l'eau d'un même récipient. C'est un hadith muttafaq alayh, hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Umm Salama. Et il y a un autre hadith, c'est le hadith de Aisha. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة نغترف جميعا فيبادرني. C'est un hadith muttafaq alayh, rapporté par l'imam Bukhari Muslim, que Aisha rapporte qu'elle se lavait, elle et le prophète صلى الله عليه وسلم, en prenant l'eau d'un même récipient, le mari et sa femme. Donc c'est autorisé, d'accord, jusqu'au point où l'imam Nasa il rapporte, il dit Aïcha, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait plus d'eau que moi, et moi je criais, je lui dis laisse-moi-en un peu, et lui aussi il dit laisse-moi-en un peu. C'est une façon de taquiner sa femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec ses femmes, quoi. C'est un hadith rapporté par Nasa'i. Donc concernant ça, que l'homme et la femme peuvent faire le ghusl, les grandes ablutions ensemble, le mari et le mari et sa femme font les rosles ensemble et les ablutions ensemble, là-dessus il y a ijma', unanimité des savants. L'unanimité, les savants sont unanimes que l'homme et sa femme font les ablutions ensemble, les petites ablutions ou les grandes ablutions ensemble. Et quatre imams ont souligné qu'il y a unanimité. On sait que l'unanimité, comment on peut dire qu'il y a ijma? C'est quand le savant il cherche dans les livres, dans les archives et tout, et le grand travail d'analyse qu'il fait, et c'est à partir de ses recherches qu'il dit qu'il y a unanimité. Quatre imams ont souligné qu'il y a unanimité là-dessus. Et l'anecdote, c'est que chaque imam représente une école. Il y a l'imam Qurtubi qui est malikite, l'imam Tahawi, hanafite, l'imam Nawawi qui est shafi'ite, et l'imam Ibn Abdelbar, imam Ibn Taymiyyah, astaghfirullah, qui est de l'école de l'imam Ahmed Ibn Hanbal. Donc ça, on a terminé avec ce hadith-là. On a donné les statuts juridiques là-dessus. Maintenant, on passe au hadith numéro 8. 7, on l'a déjà évoqué, d'accord, concernant les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'eau, il a enlevé le janaba avec, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'utiliser, il a dit, j'ai enlevé le janaba avec cette eau, il a dit, l'eau n'est pas souillée. Inna al-ma'a la yajnub. Ça, c'est le hadith numéro 7. Je l'ai évoqué dans... quand j'ai parlé de comme argument. Le hadith numéro 8. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si un chien lape dans votre récipient, sa purification consistera à le laver sept fois. La première se fera avec de la terre. Hadith rapporté par l'imam Muslim, akhrajahu Muslim. Et qui dit au Muslim, ça nous épargne le grand travail de chercher la chaîne des rapporteurs, parce que il est le deuxième, Muslim, il a le livre, le deuxième livre authentique qui regroupe les hadiths après le Bukhari, d'accord, rapporté par l'imam Muslim. Wa fi lafdhin, le prophète sallam dans une autre version il a dit falyuriqhu, ça veut dire qu'il le verse, d'accord. Et Tirmidhi, il rapporte, dans la première ou la dernière fois il utilise de la terre. Donc la version de Muslim, La première, il lave cette fois le récipient. Si le chien il lave dans ce récipient-là, et là, il doit, la première fois, il doit utiliser la terre. Et dans la version de l'imam Tirmidhi, la première ou la dernière. Explication de ce hadith. إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ. Le terme « walaga », ça veut dire « il fait bouger sa langue dans l'eau ». C'est ça. « Walaga », il fait bouger sa langue. Sans qu'il, même s'il ne boit pas, du moment que sa langue touche l'eau, il faut laver le récipient qui contient cette eau. Dans la version de Muslim, il dit qu'il verse cette eau. Ah. Donc, ça c'est le hadith. Dans ce hadith-là, on peut déduire 8 questions. Il y a 8 questions. La première, est-ce que le chien est pur ou impur? La première, est-ce que le chien est pur et il najis? Le chien lui-même est pur ou impur? Il y a 3 avis des savants. Le premier avis, le chien est entièrement pur, y compris sa salive. C'est la version connue, célèbre de l'imam Malik. Et les Malikites qui ont adopté cet avis, ils ont donné comme preuve les paroles divines suivantes. Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi ce que capturent les chiens que vous avez dressés en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Vous a appris manger des prises que pour vous ils auraient faites et prononcer dessus le nom d'Allah dans sourate al-Maïda le verset 4. Es'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru isma Allah 'alayhi. Donc le chien, quand on fait la chasse, donc on envoie le chien il mord, c'est vrai qu'il mord la proie et il la ramène jusqu'au chasseur, d'accord? Donc c'est sûr que s'il la mord la bête, donc il doit laisser de la salive. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé cette viande. Ça c'est un argument, d'accord? C'est leur argument, l'argument des Malikites. Que donc c'est autorisé, il est pur, le chien il est pur du moment qu'Allah il nous a autorisé de l'exploiter, de l'utiliser dans la chasse et tout, après l'avoir dressé, d'accord? Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Vous l'avez dressé, et donc lui, quand il ramène la proie, c'est sûr qu'il va laisser sa salive dans cette proie, et donc le chien, il est pur. À partir de ça, ils ont déduit que le chien est pur. Ça, c'est le premier argument, leur premier argument. Le deuxième, c'est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari. Ibn Omar disait que les chiens rentraient et sortaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne n'a arrosé la mosquée ni n'a essayé de laver la salive ou ce qui reste, ce qu'il laisse derrière eux. D'accord? Que les chiens avaient l'habitude de rentrer dans la mosquée, de sortir, et personne n'a dit qu'il faut laver la mosquée. Donc l'imam Malik, il dit, ça c'est une preuve comme quoi sa salive n'est pas najis, n'est pas impure. D'accord. Et ils expliquent le hadith d'Abu Huraira. Mais tout, c'est un problème. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marra. Sa purification, la purification de ce ina, de ce récipient dans lequel a lapé ce chien, le chien, qu'il faut le laver pour le rendre pur, il faut laver le récipient cette fois et utiliser de la terre. Donc comment eux ils répondent à ce hadith? Ils disent que le fait de laver le récipient cette fois, la première avec la terre, c'est une simple adoration, c'est que la raison humaine n'a pas à intervenir dedans. Imam Malik, il dit غير معقول المعنى, hadith غير معقول, ça veut dire que le sens rationnel n'est pas voulu. On ne connaît pas la raison. Allah nous a demandé de laver cette fois et l'une des fois utiliser la terre. Nous, on se soumet au texte. On n'a pas cherché la raison derrière ça. D'accord, ça c'est l'argumentation des Malikites. Et ce n'est pas à cause de l'impureté, parce que eux ils disent que la salive n'est pas impure, que le chien n'est pas impur. Donc c'est pas à cause de l'impureté qu'Allah nous recommande de, ou le prophète sallam nous recommande de laver le récipient. C'est une adoration, on ne sait pas pourquoi. D'accord? Ça c'est leur argumentation. Et ils disent autre chose, c'est que l'urine et l'urine, les sels, les saletés et tout sont plus répandus, sont pires, si vous voulez, que la salive. Et pourtant, le prophète ne nous a pas recommandé, ne nous a pas ordonné de laver ces impuretés-là, l'urine du chien ou l'urine de n'importe quel être vivant, nous a pas demandé de le laver cette fois, une fois avec la terre. Donc c'est une pure adoration, la raison n'a pas à intervenir dedans. Il y a d'autres arguments. Il y a d'autres arguments qu'a évoqué l'imam Ibn Rushd dans son livre Bidayat al-Mujtahid. Dans son livre Bidayat al-Mujtahid. Ça, c'est un avis. On a évoqué cet avis et les arguments de cet avis. Le deuxième avis, c'est que le chien est totalement impur. Une autre école maintenant. Ils disent même son poil est impur. C'est Madhhab l'imam Shafi'i. Et une version de l'imam Ahmed. Leur preuve, c'est le hadith d'Abu Huraira. Il donne comme preuve le hadith d'Abu Huraira, clair. Ils disent qu'il est complètement impur. Le troisième avis, il détaille. Ils disent la salive du chien est impure et son poil est pur. D'accord? La salive est impure parce qu'on a la preuve là-dessus que s'il boit d'une eau, il faut laver le récipient cette fois. Donc ça c'est une preuve claire et nette que sa salive est impure. Mais son poil, il n'est pas impur. Son poil, il n'y a pas de najasa là-dessus. Il n'est pas lui-même najis. Il n'est pas lui-même impur. On va parler, inshallah, des poux, des animaux, après, inshallah, dans les chapitres prochains, si on est vivant. Donc la preuve, ils ont donné... Le hadith d'Abu Huraira et l'imam Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit c'est l'avis le plus vraisemblable, rajih, le plus acceptable, le plus solide. Et bon, on a donné le hadith est une preuve claire comme quoi la salive est impure. Et concernant le poil, Ibn Taymiyyah lui-même il dit tous les poils, les plumes, la laine sont pures, que ce soit d'un animal dont la viande est comestible ou non, ou animal domestique ou sauvage. La plume, ne parlons pas des peaux parce qu'on va parler de la peau après, inshallah. Mais la plume, le poil, la laine, ils sont purs, contrairement au sang et la viande. Là, il faut détailler. Ça, c'est parlant du hadith rapporté par l'imam muslim. La version maintenant, la version qui est rapportée par l'imam muslim quand il dit qu'il le verse, فَلْيُرِقْهُ, il verse le récipient qu'a touché le chien avec sa langue. Est-il wajib, obligatoire de le verser ou non? Est-il obligatoire de verser cette eau ou non? Parce que dans ilm al-usul, la science des fondements de la religion, quand un verbe, quand il y a un ordre, normalement, à la base, quand Allah il dit « faites quelque chose », à la base, c'est wajib. D'accord? C'est wajib et « ala al-fawr ». C'est wajib et il faut le faire immédiatement. Ça, c'est à la base. Tant qu'on n'a pas de texte qui dit un contexte qui fait baisser le statut juridique de l'obligatoire au souhaitable. D'accord? Et il peut le baisser de l'obligatoire jusqu'à l'autoriser, carrément. Jusqu'à dire qu'il est moubah. Qu'il est juste moubah, qu'il n'est même pas obligatoire. Qu'il est préférable. Ou que la personne a le choix. Moubah, que la personne a le choix. Donc, à la base, un verbe en impératif, ou ordre de faire quelque chose, wajib immédiatement. Jusqu'à ce qu'on trouve un contexte qui dit non, ce n'est pas wajib, c'est juste souhaitable, ou un contexte qui dit que c'est pas grave de retarder l'échéance, de dire de le faire plus tard et de ne pas le faire immédiatement. D'accord ? une foule de savants, grand nombre de savants, surtout Shafi'ites, ont dit qu'il est souhaitable et non obligatoire, par analogie aux autres impuretés dans les récipients. On les lave quand on en a besoin. Ils ont donné le contexte maintenant. Ils ont dit, puisque dans les autres récipients, des fois il y a de la saleté dedans, il y a des impuretés, et on les lave qu'après avoir besoin de ces récipients-là, de ces ustensiles. D'accord ? Qu'ils les lavent. Ils ont fait l'analogie avec les autres impuretés. Ils ont dit, ce n'est pas obligatoire et on doit, ce n'est pas, ça veut dire nul reproche si on retarde quoi le fait de les laver. Et certains Shafi'ites et Zahirites ont dit qu'il faut le verser tout de suite, et ça c'est mieux, parce que si on laisse cette eau là qui a été utilisée ou a bu le chien, d'autres personnes peuvent l'utiliser et tout, donc pour vraiment éviter le problème et tout, et aussi éviter le doute, il vaut mieux s'en débarrasser et le verser. Maintenant, ça c'est la deuxième chose, ça c'est deuxième question. Ça c'est là, on a parlé de la première, maintenant de la deuxième, maintenant la troisième, c'est le hukm du lavage, le statut juridique du lavage. Est-ce qu'il est obligatoire de laver cette fois? Est-ce qu'il est souhaitable? Ou quel est le hukm? Le fait de laver cette fois se trouve, on sait qu'il se trouve dans Sahih et dans d'autres livres. L'imam Malik, il rapporte aussi un hadith comme ça. La majorité des gens de science, les Malikites, Shafi'iyah, les Hanabila et Zahiriya, ils ont dit que les sept lavages sont obligatoires. Le fait de laver sept fois, c'est obligatoire. D'accord? Les sept lavages sont obligatoires. Ça, c'est le hukm. Les Hanafites, l'école Hanafite, ils ont dit que sept lavages ne sont pas obligatoires. Les sept lavages, Abu Hanifa et son école, ils ont dit que les sept lavages, que si on lave le récipient moins de sept fois ou plus de sept fois, ce n'est pas grave. Et quels sont leurs arguments? Leurs arguments, c'est l'analogie. Ils ont dit qiyas, par analogie aux autres impuretés, il n'est pas obligatoire de laver sept fois. Quand il y a une impureté, ce n'est pas obligatoire de compter une, deux, trois, etc. On peut faire moins, on peut faire plus, jusqu'à ce que l'impureté s'enlève. Donc, ils ont dit que ce n'est pas obligatoire. Bien que cette analogie contredit le texte. Le prophète sallam, il a dit « Tahuru ina ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ». Sa purification consiste à le laver sept fois. Donc, cette analogie contredit le hadith. Qiyas, il contredit le hadith, donc on ne prend pas en considération ce raisonnement par analogie. On ne prend pas en considération. Ça, c'est leur preuve. Ils ont dit, par comparaison aux autres impuretés, on peut faire moins, on peut faire plus, mais normalement, ils ne doivent pas contredire le hadith. Le hadith est clair, cette fois. Deuxième chose, ils ont dit que l'imam Tahawi, il rapporte qu'on demanda à Abu Huraira au sujet du récipient où elle appelle le chien, dans lequel il l'appelle. Il répondit de le laver trois fois. Et certains savants ont qualifié ce hadith d'authentique. Que Abu Huraira l'a dit, on le lave trois fois. Et c'est Abu Huraira lui-même qui rapporte le hadith qui est sous le chapitre. Sous ce chapitre qu'il faut laver sept fois. D'accord? Donc lui, il a répondu, il a dit aux gens trois fois, et il rapporte le hadith du prophète sallam qu'il faut le faire sept fois. Et là, il y a une règle chez Al-Sunna al-Jama'a. Quand le compagnon, il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que lui, il donne une fatwa qui est différente du hadith, qu'est-ce qu'on prend en considération? Sa fatwa à lui, sa réponse à lui, ou on prend en considération ce qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La règle, c'est qu'on prend en considération ce qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taqdimu riwaya ala ra'i. On met en avant la riwaya, le hadith. Même si lui, il a fait le contraire, même si lui a répondu le contraire de ce qu'il a rapporté. Il se peut qu'il oublie, il y a beaucoup de choses qu'ont détaillé les grands savants là-dessus. Comment répondre à ceux qui ont adopté cet avis? On répond qu'Abu Huraira lui-même a répondu qu'il faut laver cette fois. Et ces versions sont authentiques dans le Bukhari. et dans Muslim. Et que le hadith des sept lavages était en même temps que... bon, ça c'est... Le hadith il est clair là-dessus. C'est ça, comment répondre à cette école, l'école hanafite, qui a prétendu que cette fois ce n'est pas obligatoire. Il y a un autre argument qu'ils ont évoqué sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a demandé à tuer les chiens de Médine et tout, et que c'était les sept lavages, c'était en même temps que le fait de tuer les chiens, mais ça on en parle pas. Il y a quatrième question maintenant. La quatrième question, c'est le statut juridique de la huitième fois. La huitième fois, c'est que un rapporteur du hadith, il dit que le prophète a dit et frottez-le en utilisant de la terre la huitième fois. Ça veut dire qu'on utilise la terre la huitième fois. Wa'affiruhu thamina bit-turab. Cette version ne se trouve pas dans le hadith de Abu Hurayra ni dans le hadith d'Ibn Omar. D'accord? L'imam Al-Hassan et l'imam Ahmed, ils ont dit que c'est obligatoire de faire la huitième fois. Mais la foule des savants ont dit que l'obligation, c'est de laver sept fois. Laver sept fois et d'utiliser la terre une fois. D'utiliser la terre, ça rentre dans les sept fois dans les sept lavages. Ça veut dire que si on lave le récipient, on met la terre, c'est considéré comme un lavage. Donc la foule des savants, ils disent qu'il faut, que c'est obligatoire de laver sept fois